assemblage requis. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Bonjour. C'est la semaine avant qu'on commence. On commence le 11 septembre en direct. Oh, vraiment, j'ai vraiment hâte en fait de retrouver la plage horaire de chaque matin. Je trouve que ça met une petite routine là, dans cet hiver, puis je pense que ça se prend bien. Ça nous manque de se lever tôt, hein, c'est ça que ça veut dire? Je pense que oui. Ça a l'air un peu mensonger, dit de même. Non, c'est vrai. Ouais. Je dois l'avouer. Bref, peu importe, mais nouvelle formule pour l'émission. À place d'être en direct pendant 2 heures, on va être en direct pendant 3 heures, de 7h à 10h à partir du 11 septembre. Plus de chroniques, plus de musique un petit peu. Hein? Oui, exactement. Ça va être le fun. Mais d'ici là, par contre, on est la semaine juste avant, donc on va présenter des chroniques qu'on a aimées. En même temps, je t'ai un petit peu mis ça dans les mains. Je t'ai dit, Tania, ben oui. Présente-moi tes 5 émissions préférées. Donc, en gros, là, pour la semaine au complet, qu'est-ce que t'as apprécié? Qu'est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce que tu as cherché? Est-ce que tu as cherché de la forme, de la bonne humeur? J'ai cherché surtout la bonne humeur. J'ai cherché les sujets qui étaient bons aussi. Mm-hmm. J'ai regardé pas mal ce que nous, on a fait, ce que toi, dans tes chroniques maison, mm-hmm. ce que tu as fait versus ce que j'ai fait dans Tania is gonna entertain ya. Puis j'ai aussi regardé si on avait reçu des invités au long de l'été. C'est ce que j'espérais. Mm-hmm. D'après moi, on va avoir des petites présences spéciales, des gens qui, qu'on n'a pas nécessairement annoncés, mais qui sont venus quand même nous rendre visite tout au long de l'émission. Donc on a 5 émissions spéciales pendant toute la semaine et puis on se retrouve après ça, le 11 septembre, à quelle heure? 7h. Oh, 7h du matin. Soyez-y. Bonne émission. Ben voilà, 3 heures qu'on vient de passer à écouter des meilleurs moments de l'été. Ça a passé vite cet été-là au complet. Ben en fait, on n'a surtout quasiment pas eu d'été. Donc oui, l'été a passé extrêmement vite, mais la saison estivale de radio, ça aussi, je trouve que ça l'a passé quand même assez vite. Mais il y a beau avoir genre comme 20 semaines, je pense, dans l'été. Ouais. Techniquement. Quoi, en termes de météo. Non, c'est ça. Si on regarde les émissions qu'on a eues, notre saison estivale, c'était approximativement 20 semaines. De mai à août. Oui, exactement. Là, on est au début de septembre, première semaine de la session pour les étudiants, mais on n'est pas encore en direct. On va être en direct à partir du 11 septembre. Oh, que oui. Et quand même beaucoup de nouveautés cette année, Mathieu, pour nous deux, là, surtout. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure en début d'émission, on va être là un petit peu plus longtemps maintenant les matins, donc de 7h à 10h. Mais on va arriver aussi à un autre moment pendant la journée. On va avoir des grosses journées, je pense, toi et moi, parce que non seulement est-ce qu'on va être là du lundi au vendredi de 7h à 10h, mm-hmm. même si c'est des meilleurs moments le vendredi, oui, ça compte quand même, et on va être là les jours de semaine, en après-midi, entre midi et 13h, mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va présenter les palmarès C'est fou sur 4 jours. Donc, je trouve en fait que cette façon de faire-là, c'est une façon nouvelle, mais c'est aussi le fun, parce qu'on va vous accompagner durant votre heure de dîner, vous n'allez pas être laissé à vous-même. On va vous présenter ce qui a marqué un petit peu la semaine en termes musicaux dans les émissions, que ce soit Musique du Monde, que ce soit Top 20 francophone, Top Loud. Donc, ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Absolument. Donc, le top franco et anglo, les deux vont être là aussi. On va étendre ça comme une tartine tous les jours. Ça va être excellent. Donc, lundi au jeudi, entre midi et 13h, aussi à partir du 11 septembre, il va y avoir une version week-end aussi. Vous allez pouvoir pogner tout ça dans le même bloc-là, un petit bloc de 4h. Et puis, assemblage requis, comme j'ai dit, lundi au vendredi, entre 7h et 10h, complètement live d'un bout à l'autre, sauf le vendredi, puis le meilleur moment. Exactement. C'est ça qu'on va dire en chuchotant ou en marmonnant. Merci, Tania. Merci à toi, Mathieu. À la prochaine. Bye, tout le monde. Bye.